De votre oreille gauche à votre oreille droite, le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine pendant 3 heures, on les déballe ces CD pour savoir ce qu'il y a de bon dans le tas. C'est comme une chasse au trésor à chaque semaine. D'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui, on va entendre un album remix de la formation You Say Party, We Say Die. Ça va être très bon ça. Et un groupe qui s'appelle The Sound of Animals Fighting. Mais on commence avec quelqu'un qui est passé par les palmarès de C'est Fou, c'est Michael Franti and Spearhead. Leur nouvel album s'appelle All Rebel Rockers. Et tout de suite, voici Rude Boys Back in Town dans le poste d'écoute au 89.1 FM. So unique. Whoa. Walking down the street about a 3:45. It was early in the morning from the night before. Met a woman on the corner, said, "You're coming my door." Heard the rhythm of the music pumping up through the floor. When I walked into the party, it was ready to go. There were punk rockers, reggae rockers all in a row. Whining and grinding to the DJ show. No woman from the corner, I was getting to know. The Rude Boys back in town. The Rude Boys back in town. I tell you that the Rude Boys back in town. The Rude Boys back in town. I see you all. I say, Michael, where you been? You've been eating high, you know you look a little thin. I've been out in Japan, just chilling Tokyo, man. I took the bullet train to Hiroshima and then I jumped into the water and I started to swim. Shanghai, Ho Chi Minh City, and then down to Indonesia where I hooked with some friends. I visit Tommy E.T. down in Tuho again. I jump across the Byron, Alice Springs, down the Cape Town where I be doing my thing. Then I be gone to Uganda, Tanzania, up to Sudan. I'm glad to see them. Jerusalem, Mumbai, Istanbul, then down to Rio, Sao Paulo, Brazil, up to Guadalajara, Kingston way. Stop up in Havana and I'm back to the Bay. The Rude Boys back in town. The Rude Boys back in town. I tell you that the Rude Boys back in town. The Rude Boys back in town. We're calling out from high to underground. We come to tell you the Rude Boys back in town. Are you rocking, rocking? Rocking, rocking. Are you rolling, rolling? Rolling, rolling. Are you whining, whining? Whining, whining. Are you grinding, grinding? Grinding, grinding. Do you wanna rock a party to the morning, morning? Yeah, we wanna rock a party to the morning, morning. When the police coming in, give a warning, warning. When the police coming in, we give them warning, warning. I'm a drummer, but awful like to pick up a mic. And when I rock a body, you can do what you like. Get ready for the rhythm where we come into sight. From early in the morning, we no stop until light. All night long, we just rocking along. Thanks to the DJ, we be singing a song. Go to your lover if your loving is strong. Dance to the bass line all night long. The Rude Boys back in town. The Rude Boys back in town. Let me tell you that the Rude Boys back in town. So unique. The Rude Boys back in town. Yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. boys back in town. Rude boy. Le poste d'écoute. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. Whoa. And you hear the sound, yeah. A little bit of rhythm make the world go round. Whoa. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. Whoa. And you hear the sound, yeah. A little bit of rhythm make the world go round. Remember the time before, every day was a news of a holy war. When the people wasn't afraid to tell you what they want, everybody in the city always had a home. When a bomb wasn't going off every day, when the rain didn't have to mean a hurricane, when the government wasn't listening to your calls, when the border didn't have to mean a concrete wall. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. And you hear the sound, a little bit of rhythm make the world go round. Rock with me. try to fake it. But one morning the clock will chime in. No more birds come flying by. Temperatures keep rising higher. 16 bullets come flying by. And I, throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Try to take your home. Break into your house in the middle of the night. Track you on a cell phone by satellite. Stopped anytime you're in your car. Search your body, search your home. And listening in on your phone calls. Still no politician got enough balls. Lining the people up against the wall. When the truth comes out, all hell will call. And someday Guantanamo will fall. Until that day we all will ride on. Throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Put your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till just you die. In the city. Living with the TV on. Then radio play the same 10 songs. Set your clock by which one's on. And watching the news try to see what's wrong. Find somebody else to blame it on. Hope they never come and research you, 'cause your grandmother was an immigrant too. So if you love somebody, better tell them so. You never ever ever know when they're gonna go. If they love you back, just give thanks. Can't keep love like money in the bank, no. I, throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Throw your hands up high, 'cause you never know how long you're gonna live till you die. Life in the City, précédé de A Little Bit of Rhythm, featuring Shereen Anderson. Et au début du bloc, c'était Rude Boys Back in Town. Ça vient du tout nouvel album de Michael Franti and Spearhead qui s'appelle All Rebel Rockers. Donc, Michael Franti and Spearhead, leur nouvel album sort le 9 septembre 2008. Il vient de San Francisco en Californie. C'est du funk reggae roots. Les membres du groupe sont Michael Franti à la voix, Carl Young à la basse, Dave Scholl à la guitare, Manas Itiene à la batterie et Ralig Neal au clavier. Allez voir myspace.com/spearheadvibrations ou encore le spearheadvibrations.com. Si vous voulez plus d'informations, passez par le site de l'émission, le poste d'écoute au www.unechance.com. On continue avec un autre groupe anglophone qui s'appelle The Sound of Animals, The Fighting. Leur album s'appelle The Ocean and the Sun. Et tout de suite, on va entendre la pièce d'introduction The Ocean and the Sun, suivie de Eye the Swan dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Ah, c'est fou, 89 FM. Mahlouhi ra didam. Dar Sahra. مخلوقی را دیدم اوریان و برهنه جانور خویی که روی زمین چنبات مزده بود و قلبش را در دستهایش گرفته بود آن را میخورد از او پرسیدم دوست من آیا خوشمزه است؟ او جواب داد تلخ است تلخ ولی آن را دوست دارم برای اینکه تلخ است و برای اینکه قلب من است Thank you. excluded actually thousands of people as deeply or as powerfully as one person or 10 people. Maybe it's not really so revolutionary after all to have one person or a group of someone. Everybody else gets right. Wouldn't it be better to try a decentralized approach where everyone works closely with those around them instead of these people leading in anonymous maps? Do you have to save the world all by yourselves? Why don't you trust anyone else to do it with you? Le poste d'écoute. Sound of Animals Fighting. L'album s'appelle The Ocean and the Sun. On vient entendre la pièce Another Leather Long, précédée de Eye of the Swan et de The Ocean and the Sun. C'est un groupe de Los Angeles en Californie, The Sound of Animals Fighting. Vous pouvez aller voir le myspace.com/ The Sound of Animals Fighting ou encore The Sound of Animals Fighting.com. Les membres sont The Walrus, donc le morse, le lynx, le nightingale, je ne sais plus ce que c'est, et la moufette. Ce sont les membres. Donc, The Sound of Animals Fighting. Il y a des vidéoclips à aller voir sur leur MySpace en passant. On passe à une formation que, en fait, que j'aime beaucoup. On a reçu plusieurs albums de leur part ici dans le poste d'écoute et assez fou en général. C'est la formation You Say Party, We Say Die. On a reçu un album de remix qui s'appelle Remix Cube. Et ça sort le 26 août sur Paperbag Digital. Donc on l'a reçu bien à l'avance, comme quelques jours. On va entendre les trois premières pièces, un remix de Vitamins For You de la pièce Five Year Plan. Ensuite, ce sera le Goodnight Alley Kids. Non, je crois que c'est le nom de la pièce, mais je suis pas trop sûr. Ah non, S2 Beatdown Mayor's Mix de la pièce Downtown Mayor's Goodnight Alley Kids Rule. Et la pièce Opportunity remixée par Montag. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble dans votre Radio Campus à Trois-Rivières. Le C'est Fou, 89.fm. Restez là, au retour, il y a plus de You Say Party, We Say Die et on écoute le nouvel album de Dandy Wind dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Poste d'écoute. Trois pièces du nouvel album de remix de la formation You Say Party, We Say Die. L'album est Remix Cube. On vient d'entendre Opportunity, Montag's Lover Remix, précédé de Downtown Mayors, Goodnight Alley Kids Rule, et précédé de Five Year Plan, Vitamins For You, Sixth Year Mix dans le poste d'écoute. Donc, You Say Party, We Say Die, en passant, qui sera en spectacle en octobre au 12.ca Presents You Say Party, We Say Die à la Tulipe Pop Montréal, de Montréal. Et ensuite, le 2 octobre, à la Maison des Arts de Laval. Le 4 octobre au Metric Bar de Saint-Jean-sur-Richelieu et le 5 octobre au Cercle de Québec. Donc ça, c'est Dose.ca qui présente You Say Party, We Say Die. Groupe composé des membres Becky Ninkovic à la voix, Krista Lowen au clavier, Derek Adam à la guitare, Stephen O'Shea à la basse et Devin Clifford à la batterie. Allez voir leur site web au myspace.com/YouSayPartyWeSayDie ou encore YouSayPartyWeSayDie.ca. Hein, leur nouvel album, encore une fois, c'est Remix Cube, l'album de remix qui sort le 26 août prochain. On continue dans la musique anglophone avec une autre artiste quand même relativement connue par certaines personnes, assez fou. Elle est passée par nos palmarès, elle s'appelle Dandy Wind. Son nouvel album s'appelle Yoke of the Golden Egg. Et tout de suite, voici Battle of Verdun. Et oui, c'est bien le nom de la pièce, Battle of Verdun. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble dans votre radio au 89.1 FM. poste d'écoute. Moi ça. d'Andy Wynn dans le poste d'écoute avec la pièce Adolescent précédée de A Lifetime, oui, de Battle of Verdun, oui, Verdun. Artiste canadienne, cette Dandy Wynn, allez voir myspace.com/DandyWynn, D-A-N-D-Y, D-I, oui, Wynn, ou encore dandywynn.com. Le lien est sur le site de l'émission au www.chance.com. Artiste qui est déjà passé par nos palmarès, ici, assez fou. Et ce que j'ai entendu de son nouvel album, Yoke of the Golden Egg, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai aimé d'autres choses dans la première heure. L'album de You Say Party, We Say Die, qui s'appelait Remix Cube. Avant ça, on a entendu The Sound of Animals Fighting avec The Ocean and the Sun. Et on a commencé l'émission avec Michael Franti and Spearhead, un autre vétéran des palmarès, avec son album All Rebel Rockers. Dans la deuxième heure, on va entendre, entre autres, le nouvel album de Andy Dixon qui s'appelle The Mice of Mount Career. Et on va avoir l'opportunité d'entendre Eldorado Suitcase. Donc, restez avec nous pour entendre tout ça dans la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous à C'est Fou 89.1 FM. Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va entendre entre autres un nouvel album de la formation Elvis Versa qui s'appelle La Pensée Moderne. On va aussi entendre Eldorado avec Suitcase. Mais on commence avec Andy Dixon. Son album s'appelle The Mice of Mount Career. Et tout de suite, voici Save Your Nails. C'est dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Et on aime bien, bien gros ça faire ça. C'est... déballe des CD, tirer sur le petit plastique gossant. Ils vont pas changer de plastique sur leur CD à un moment donné, les compagnies de disques. Tu sais, c'est pas enlevable. OK, bon, au moins, tu mérites d'écouter le CD, tu sais. Tu l'achètes, t'as au moins accompli quelque chose. Je sais pas. Le poste d'écoute. Net gains and transfer to bone to dust to dimes. Net gross and over time to the hair and the nails of the diamond mines. Are you so arrogant as to really deny us this love? So come on, so come on, oh, so come on, oh. Are you so arrogant as to really deny us this love? So come on, so come on, oh, so come on. And vos oreilles. Avec Weird Weight, précédé de The Man of the Mill et de Save Your Nails, de son nouvel album The Mice of Mount Courier. Andy Dixon qui fait du pop et vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Vous pouvez aller voir le andydixon.net ou encore myspace.com/andydixonmusic. C'est son site web. Plein d'informations sur lui là-dessus, encore une fois, le nom de l'album est The Mice of Mount Courier. Maintenant, on passe à un album de la formation Eldorado qui s'appelle Suitcase. Et voici la pièce Tex-Mex, alors que vous synthonisez le poste d'écoute au 89.fm. C'est aussi simple que ça. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple, hein? Restez tantôt, on écoute la formation Elvis Versa. Voici là pour ça. Versa. On s'en va vers ça. OK, j'arrête. Ça va. poste d'écoute. Try to keep it light. forget the things that keep you down. Let it go, turn around. Or will it follow as you walk this ground? Grab the handle, don't let go. And people say, keep it closed. The emptiness will not show. Suitcase alive. Try to keep it alive. Eldorado avec Suitcase, la pièce titre de leur nouvel album. C'était précédé de la pièce Storage Room et de Tex-Mex dans le poste d'écoute. Donc Eldorado, un groupe d'Americana Indie Country qui vient de Vancouver au Canada. Les membres sont Angela Fama, Nina de Jelisic, Julie Bevalis, Michael Flunkert, Kenton Wings, et c'est à peu près ça. Ils sont en spectacle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je suis allé voir sur leur MySpace, au myspace.com/TheEldorado. Ils vont être en spectacle. Ça vient de passer. C'est passé le spectacle, mais on s'en fout, c'est pas ça l'important. Ils étaient au Grateful Fed, le restaurant. Grateful Fed. C'est pas génial comme nom, ça? C'est génial. Donc voilà pour Eldorado avec leur album Suitcase. Allez voir myspace.com/TheEldorado ou encore eldoradotheband.com. Alors qu'on s'en va entendre la formation Elvis Versa, qui est un groupe qui vient de Shawinigan, mais qui maintenant sont à Montréal. Ça dit Montréal de Shawinigan sur leur MySpace. Leur nouvel album s'appelle La Pensée Moderne. Et tout de suite, voici la pièce Gentleman dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. À C'est fou 89.fr. Come to, bon gentleman. Je lui ai dit, chérie, veux-tu que je te ramène? T'as juste à me dire où c'est que tu vas. Ça tombe, tu ben j'passais par là. Mais comme d'habitude, j'avais trop bu. Les policiers s'en sont aperçus. Ils m'ont fait souffler dans ballon. Juste assez sous pour chauffer ma mino. Come to, bon gentleman. Je lui ai dit, chérie, veux-tu qu'on se promène? C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Mais j'suis pas en état de conduire mon char. Fait qu'on a profité de la lune, puis un café au Tim Hortons jusqu'aux petites heures du matin. Les yeux dans les yeux, puis Christ qu'on était ben. Come to, bon gentleman. Je la raccompagne, lui dis chérie, à la prochaine. J'espère qu'elle voudra me revoir. Dans ses yeux, j'ai cru comprendre qu'elle avait de l'espoir. Et sur le chemin du retour, le pied dans le fond, sur le boulevard de l'amour, je me suis mis à penser à elle et à me dire, en plus d'être funèbre. On est lundi, j'ai hâte en fin de semaine. J'espère qu'elle voudra me revoir. Le dernier coup, j'ai cru comprendre qu'elle avait de l'espoir. Mais comme d'habitude, j'avais trop bu. Les policiers s'en sont aperçus. Ils m'ont fait souffler dans ballon juste assez sous pour chauffer ma binôme. Fait qu'on a profité de la lune qui est à fait au Tim Horton jusqu'aux petites heures du matin. Les yeux dans les yeux, puis qu'est-ce qu'on était bien. J'aimerais valser dans le ciel pour voir le monde de vue d'en haut. Être libre comme l'air, tout ce que je veux, être libre comme l'air. J'aimerais être un justicier, jeter les truands au cachot. J'aimerais qu'il me pousse des ailes, devenir un super-héros. C'est sauver la terre de la misère. Super Mario, Super Mario, est en nouveau. Super Mario. J'aimerais être Jésus-Christ, votre sauveur et votre roi. Redonnez au moins nanti le bonheur. Son droit. J'aimerais être une fourmi pour lever plusieurs fois mon poids. Un surhomme ou un génie, le plus puissant de tous les temps. Sauver la terre, tout ce que je veux c'est sauver. Je m'ennuie et que j'ai de la peine. J'ai encore de l'arrière

trop monotone. Dehors, les trottoirs sont pleins, c'est l'été des Indiens. Mais le soir venu, bon sang, qu'on se gèle les culs. Ça sent des jolies vagues, les gens s'enferment dans le tanière. Et un bon matin où on s'en attend le moins. Sortez toutes vos pelles, habillez-vous dehors, on gèle. Dès qu'il y a cet hiver et qu'à présent tout est blanc. Sortez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se gèle la couenne. Raccommodez vos bas de laine. On va en Wayfret pendant une couple de semaines. Et ça jusqu'à ce que le soleil revienne. Partout dans le village, on peut sentir le beau chauffage qui brûle et laisse une odeur de chaleur. Sortez vos grands manteaux dehors, il fait en dessous de zéro. Habillez-vous comme des oignons pour affronter la dure saison. Les narines collées au beau milieu du mois de janvier. Ça, c'est que ça fait chier quand t'as un mille à faire à pied. On a les orteils qui gèlent, qui font mal quand ils dégèlent. Sortez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se gèle la couenne. Raccommodez vos bas de laine. On va en Wayfret pendant une couple de semaines. Et ça jusqu'à ce que le soleil revienne. Sortez vos mitaines. On oublie vite l'automne quand ma nature bourgeonne. Les trottoirs se remplissent, camisoles et bas de cuisse. Serrez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se chauffe la couenne. Partout des gens qui vont et viennent. On va au show pendant une couple de semaines. Mais ça jusqu'à ce que l'automne revienne. Sortez vos mitaines. Elvis Versa avec la pièce Sortez vos mitaines, précédée de Long Time No See, de La Pensée Moderne, qui est la pièce titre de Super Mario et de Gentleman. Donc, nouvel album de Elvis Versa, formation de Shawinigan, qui est maintenant à Montréal. Donc, c'est du power pop punk rock. Vous pouvez aller voir le myspace.com avec Elvis Versa, c'est leur site web. Les membres sont Mario Sigman aux paroles et porte-voix, Rémi Lacourcière au surf, green guitar et back vocal, Philippe Saint-Onge à la basse et back, et Michel Lemay au chaudron et back vocal. Influence sur le MySpace, ça dit Paul Sarrazin, Jacques Villeneuve, Caroline Nero et Normand Lamour. Sounds like Gaston Lepage, Jacques Villeray, Tori Spelling, Jean Chrétien, Lucie et Claude Blanchard. Très beau mélange. Record Label, ça dit « Mon étiquette, c'est ma casquette ». D'accord. Plusieurs vidéos, deux sur YouTube, qui sont sur leur MySpace, donc allez voir ça. Je répète l'adresse myspace.com/Elvis Versa. On continue avec un album d'une formation qui s'appelle Fembots. Il s'appelle « Calling Out ». C'est sur WeWork. Ils ont plusieurs bonnes pièces là-dessus, j'en suis certain. Donc, on va les entendre et puis on va voir si on peut se faire une idée. Parce que c'est un peu l'idée du poste d'écoute. L'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Donc, voici Fembots avec « Good Days » au 89.fr. God spends the hours into day. Soldiers, you got it wrong. going wrong. Cause life is good. Poste d'écoute. Weakness. radio de demain. Formation Fembots avec la pièce My Hands Are a City, précédée de Can I Be Your Mirror et de Good Day, ça vient de leur nouvel album Calling Out. Fembots, un groupe de soul rock Acousmatic Tape Music, disent-ils sur leur MySpace au myspace.com/fembots. Ils ont aussi un site officiel au fembots.net. Les membres sont Dave McKinnon, Brian Poirier, Nathan Lauer et Inner Sousetter. Mm-hmm. Spectacle un petit peu partout, dont un à Montréal le 3 octobre au Pop Montréal. Ça, c'est à 22h. Allez voir sur leur MySpace pour les dates de tous leurs autres spectacles. Fembots avec leur album Calling Out. On continue avec la formation de Polymorphines qui nous a envoyé un album tout à fait éponyme ou homonyme ou comme vous le voulez. C'est un groupe de Ottawa. On s'en entend tout de suite la pièce Shepherd's Away. Tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, on va faire un bloc sur les groupes du Québec, des groupes qui sont près de nous. Là, on parle d'un groupe de Montréal, un autre de Repentigny, et l'autre vient de Sainte-Foy, donc c'est très près de nous quand même. Mais avant ça, à la fin de la deuxième heure, on écoutait la formation de Polymorphines. Leur album est éponyme, on était rendu à la deuxième pièce. Voici tout de suite Her Wild Roses, suivi de A New Scandal dans le poste d'écoute sur 89.fr. From you, she said, can't get these doubts going out of my head. If you don't come clean with your dirty ways, you can go and live with her instead. I need to hear it from you, I said, feel like a stranger in my own bed. I've been feeling pretty bored and definitely ignored. I think I'll go right ahead. It's a new every day, and it's killing you in the worst possible way. need to hear it from you. She screamed, knock off your friends and your family. If you got all the plans how to be a man, can't you see what you're doing to me? What I'm doing to you, I screamed. You must be living inside a dream. If you're honest with yourself, you get some help. Can't you see what you're doing to me? It's a new scandal every day, and it's killing me in the worst possible way. The Polymorphines dans le poste d'écoute avec la pièce Bad Trippin', précédée de A New Scandal, de Her Wild Roses et de Shepherd's Way. Donc, Polymorphines, parlons un petit peu d'eux, hein, si vous voulez bien. C'est un groupe d'Ottawa en Ontario qui fait du rock, pop, rock. Ils sont en spectacle en ce moment en Ontario. Vous pouvez aller voir le myspace.com/thepolymorphines ou encore thepolymorphines.com. Et finalement, les membres sont Jérémy Brisebois, Jordan Ptekin, Greg Harris, Jeff Chapman et Ian Vance. On passe à notre bloc sur les groupes du Québec, des groupes qui sont près de nous pour certains. On va commencer avec un groupe qui vient de Montréal, donc c'est Psychic News, un groupe d'alternatif metal pop. Ensuite, on va entendre 72 Rivières Rouges qui vient de l'Assomption Repentigny. Et on va terminer avec Mélogramme. Non, je crois qu'on va faire Mélogramme avant 72 Rivières Rouges, mais bon, peu importe. Mélogramme qui vient de Sainte-Foy. On commence avec Psychic News, leur première pièce, et Tu te moqueras de moi. Et tout de suite, c'est ça qui joue dans vos oreilles. Hein? Bien dit, hein? Est-ce que je joue dans vos oreilles? Je sais que toi, tu te moqueras de moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Pauvre-toi, tout est magané. Attends, tu es possible pour sauver l'humanité qui ne pense qu'à rire de toi maintenant que tu t'es trop transformé. À force de t'être affitré parmi eux qui ont su t'influencer, tranquillement t'a mutilé pour te faire oublier tes idées. Pour en décider. poste d'écoute. Est-ce que t'es encore triste? Est-ce que t'es encore en peine? Est-ce que tes joies dépendent de mes peines? Est-ce que tu vas un peu mieux ou si t'es encore plein de haine? Est-ce que mes malheurs te tiendront en haleine? Regarde dans le miroir ton visage qui déborde de désespoir. Je vois que tu vois tout en moi. Tu détestes mes joies. Est-ce que j'aimerais que je me noie? Est-ce que tu souhaites la mort de mes doigts? Est-ce que tu vois en moi celui qui t'enlève le choix d'être quelqu'un de bien ou bien de mal? Regarde dans le miroir ton visage qui déborde de désespoir. Je crois que tu vois tout en moi. Psychic Hughes avec des espoirs précédés de Jaune Grise de l'ascenseur. Ça, c'est la pièce qui faisait 1, 2, 3, 4, 5. Là. Et puis au début, c'était Tu te moqueras de moi, qui est dans le fond la phrase Tu te moqueras de moi. Donc, il y a deux intros, si on veut, dans l'album de Psychic Hughes qui s'appelle Pour rendre tes idées floues. Il va être en spectacle avec Grimmskunk le 30 août au Festival du Triangle Noir. Ça se passe à Saint-Césaire. Ensuite, ils vont être le 7 septembre au pub du village de Grand Bay et le 31 octobre au bar Le Magog de Sherbrooke. C'est un groupe d'alternatif metal pop. Vous l'aurez remarqué, il y a différents mélanges de styles là-dedans. À un moment donné, c'est très très pop. L'autre bout, c'est très très heavy metal. Les membres sont Steve à la voix, guitare et aux effets. Jacques à la batterie. Jean-Sébastien à la basse, aux effets et à la voix. Et en tout cas, effet, j'imagine que c'est ce que ça veut dire, FX. Et Francis à la voix, guitare, clavier et FX aussi. C'est pas mon genre de musique, je dois être honnête, mais c'est un style quand même. Voilà, donc c'est la formation 5 EQs avec Pour rendre tes idées floues. Et c'est, en tout cas, si c'était leur but, objectif atteint, hein, petit crochet. On continue avec la musique de Mélogramme qui aurait peut-être dû passer avant 5 EQs, mais bon, dans le sens que c'est un style musical un petit peu plus calme. Leur hippie est éponyme, s'appelle Mélogramme aussi. Joli nom, jolie pochette, beau petit oiseau. C'est très joli, j'ai hâte de voir si la musique est aussi jolie que ça. Leur site web est au melogramme.com. Et on commence avec la pièce Le Misanthrope. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Je me cache la nuit pour ne pas avoir à sortir. Au lever du jour, je verrouille à double tour. Tout ça s'explique, je ne suis pas très sympathique. J'ai peur des gens, des voyous, des brigands. On dit de moi que je suis l'être le plus froid. La médisance provoque la démence, alors j'écris des injures à ceux qui passent. Je referme la fenêtre et je me casse. Ils peuvent bien tous crever dès demain, moi je m'en fous, ça ne changera pas mon destin. Je suis un fou. Quel étranger qui vient vers moi, je l'ai vu, c'est comme ça. C'est solitaire comme la bosse d'un dromadaire. Je roule ma bosse du Mexique à l'Écosse. On dit de moi que je suis l'être le plus froid. La médisance provoque la défense, alors je suis des injures à ceux qui passent. Je referme la fenêtre et je me casse. Ils peuvent bien tous crever dès demain, moi je m'en fous, ça ne changera pas mon destin. Je suis un fou. Qui ne veulent pas faire de pâtes. Je n'irai pas marcher là-bas. Je n'irai pas pourquoi. Dans mon bordel, y'a pas de plaisir. Y'a que moi qui joue et qui me fait rire. La folie ne veut pas de toi et de moi. La folie prendrait ton cœur pour je ne sais quoi. La folie t'en as besoin mais t'en veux pas. Prends tout et s'en va par là-bas. C'est ma tasse de thé, trempée de soufre, j'aime ça. Le goût m'accable et c'est planté, ma langue en goût de sabre. Oh les fêtes punaises, c'est ma tasse de thé, trempée de soufre, j'aime ça. Le goût m'accable et c'est planté, ma bouche au goût de cadavre. La folie ne veut pas de toi et de moi. La folie prendrait ton cœur pour je ne sais quoi. La folie t'en as besoin mais t'en veux pas. Prends tout et s'en va par là-bas.

soleil à la rue. Un long chemin j'ai parcouru. Je ne puis m'empêcher de m'y retrouver. Dans mon soleil à la rue. Un long chemin j'ai parcouru. Je ne puis m'empêcher de m'y retrouver. De m'y retrouver. Dans mon rallye à la rue, un long voyage est parcouru. Je ne puis me lever, je suis libéré. Dans le poste d'écoute avec la pièce Soleil de glace précédée de La Folie et de Le Misanthrope, c'est un maxi qu'on a reçu de la part de la formation Mélogramme. Et j'ai bien aimé, moi, très bon. Ça, c'est un groupe de Sainte-Foy qui fait du jazz rock latin. Mélogramme.com ou encore myspace.com/mlogramme. Simon Lachance à la batterie et la voix, Martin Plante à la basse et la voix, Yannick Côté, chanteur saxophoniste, Simon Guénard, guitariste électrique, vocal, Alexandre Zachary, guitariste manouche, vocal, libanais, mascotte, PS Zachary est aussi maître pâtissier, voilà. Texte difficile à lire sur leur MySpace parce qu'il n'y a pas d'accent, les accents sont des points à la place. Mélogramme, 5 entités musicales qui se sont croisées sur les bancs d'école il y a de cela un an. Depuis ce temps, nous parcourons ensemble les chemins de la création musicale sans cesse dans une quête de sonorités nouvelles afin de nourrir notre musique et notre esprit. La musique n'est pas seulement notre passion, c'est notre mode de vie, dit leur texte sur leur MySpace. Donc voilà, en attendant d'en savoir plus sur Mélogramme, allez voir le myspace.com/mélogramme ou mélogramme.com. En attendant, pour en savoir plus, c'est ce que je disais. Par rapport, on continue avec un autre groupe qui s'appelle 72 Rivières Rouges. Celui-là vient de l'Assomption Repentigny. Leur album s'appelle Une Dose. Ça dit avertissement, l'écoute de ce CD peut créer une dépendance. Et voici avec une pièce qui hiverge pas mal. Une Dose. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble au 89.1 FM. poche, le poste d'écoute. We'll be right back. neige t'es ma voisine. La part d'en haut quand je suis avec toi, belle, on est beau. T'es ma princesse au bois dormant, une belle rivière pleine de courant. Entraîne-moi donc au bout du monde, je reste avec toi tant que l'eau monte. Tant que l'eau monte, et elle monte. C'est une journée ensoleillée, on avait joué au docteur. Oh, si que ça m'a marqué, j'avais pu toucher ta fleur. Du même coup t'embrasser, on avait joué au docteur. J'avais pu toucher ta fleur. À chaque saison, quand c'est morose, on sait que s'y baisse notre nuage rose. Notre nuage rose. C'est une journée ensoleillée. On avait joué au docteur. Hostie que ça m'a marqué. J'avais pu toucher ta fleur. Du même coup t'embrasser. On avait joué au docteur. T'étais devenue froide à l'idée. Tu n'osais plus te dévoiler, disant que les seins t'avaient poussé. Au sûr que t'avais 12 ans passé. Ta mère t'avait sensibilisé. T'étais gêné, tu voulais plus jouer. Rivière Rouge avec la pièce Docteur, précédée de Ici j'ai un con et de Une dose, ça vient de leur album Une dose. Si vous écoutez le poste d'écoute régulièrement, vous avez peut-être reconnu le son de 72 Rivière Rouge. On les a déjà fait jouer le 4 avril. On avait joué deux pièces. Aucune idée pourquoi ils l'ont renvoyé, mais on leur a fait jouer. Donc c'est tant mieux pour eux. Si vous êtes un autre groupe, peut-être que vous allez faire la même chose. Mais bon. 72 Rivière Rouge, un groupe de rock metal alternatif. Ils viennent de l'Assomption Repentigny. Et ils sont en spectacle le 27 août au cégep Marie-Victorin à midi, ça c'est à Montréal-Nord. Ensuite, ils vont être le 27 septembre à 20h30 au Ninkasi du Faubourg-Robière et Culture de Québec. Ensuite, ils vont être à la Valtrie. Ils vont venir à Trois-Rivières le 30 octobre à 20h30 au Nord-Ouest Café. Allez voir le myspace.com/72rivière-rouge ou encore le 72rivière-rouge.ca. Ils ont vu le jour en 2001 lorsque deux frères provenchés, Sébastien et Olivier, complices musicaux depuis toujours, tentent un premier jam avec deux chums tout aussi passionnés de musique. Et là, l'histoire continue. Allez vous renseigner sur le MySpace pour leur biographie. Nous, ben, c'est déjà la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Donc, je couronne mon poste d'or. Ça se donne à être Dandy Wynn avec Yoke of the Golden Egg. J'ai vraiment beaucoup aimé. On risque de réentendre ça ici, assez fou. On se quitte avec une pièce justement de Dandy Wynn qui s'appelle Powerball. C'est la quatrième du disque qui s'appelle Yoke of the Golden Egg. Jusqu'à la semaine prochaine, ben, merci d'avoir été là. Je vous retrouve à la connexion. On parle d'un assez fou. Et le poste d'écoute est en direct le vendredi matin à 10h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h. Bonne semaine à tout le monde. Bye! Bye, rock classique, je suis, hein. Vendredi. Bye bye. Thank you.